maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Oh, maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Si tu n'aimes que moi.